8h21 et Patrick Dion est auteur et chroniqueur web. Bonjour, Monsieur Dion. Bon matin, Mister. Alors, l'ONF ose se mêler du controversé dossier des sables bitumineux. Mais on aime ça qu'ils osent se mêler à ça, surtout que ça a pris beaucoup de temps pour s'en mêler. En fait, c'est un nouveau jeu slash web documentaire que lance l'ONF qui s'appelle Fort McMurray, qui est en fait la transposition virtuelle de la ville de Fort McMurray en Alberta, directement au cœur de la tourmente et au cœur de l'industrie pétrolière. Donc, en 10 ans, je vais te donner quelques chiffres comme ça, en 10 ans, Fort McMurray, la vraie ville de Fort McMurray, est passée de quelques dizaines de milliers d'habitants à plus de 100 000 aujourd'hui. En plus, on y extrait chaque jour plus de 1,5 million de barils de pétrole. Et dans moins de 20 ans, on va en tirer 5 millions. On s'entend que là, c'est gros. Ben oui, parce que la demande va augmenter. Et d'ailleurs, on en parlait la semaine dernière. Stephen Harper s'est tapé dans les mains de cette hausse de demande du pétrole. Là. Ben oui, mais pour le gouvernement, c'est vraiment une mine d'or. Une mine d'or noire. Mais ouais. Ben voilà, avec les sables bitumineux, en fait, le Canada, il possède la troisième plus grande réserve de pétrole au monde, ce qui est quand même... c'est quand même pas pire. Mais cette réserve-là a quand même un coût environnemental. L'exploitation des sables bitumineux compte pour 7 % du total des émissions de gaz à effet de serre au Canada. Et en plus, il est question de milliards de dollars, d'indépendance énergétique, de sauvegarde de l'environnement. Donc, c'est pas surprenant que l'ONF ait voulu s'attaquer à ces questions-là. Donc, mais justement, on va en parler de ce jeu web questionnaire de l'ONF. Ça va être, premièrement, ça a pris, il y a 2h30 de contenu et ça a nécessité 2 ans d'enquête, 60 jours de tournage et 22 lieux de tournage différents, dont en plus 55 entrevues avec des intervenants. Donc, tout ça pour créer 3 parties en temps réel. La première qui va débuter lundi prochain, le 25 novembre. La deuxième qui va débuter le 20 janvier 2014. Et la troisième, le 24 février. Donc, concrètement, Fort McMurray permet aux internautes d'être aux commandes de la ville de Fort McMurray et de décider de son avenir un peu à la façon de SimCity, mais en beaucoup plus réel. Donc, durant ces 4 semaines-là que les joueurs vont jouer, ils pourront se promener dans la ville, rencontrer les habitants, poser des questions, ils vont pouvoir voter à des référendums, prendre des décisions et influencer le cours du jeu. Donc, à la fin de la partie, la ville va être modelée selon les idées des uns et des autres. Donc, c'est vraiment un tour de force auquel nous convie l'ONF parce qu'ils ont réussi à bien marier le jeu et le documentaire, mais en transposant ce mariage-là dans la réalité. Donc, c'est offert en 3 langues, en français, en anglais et en allemand. Ça a été créé par un journaliste et cinéaste qui s'appelle David Dufresne, qui avait créé, entre autres, Park Valley, je pense, qui est Prison Valley, qui est un web documentaire sur les prisons. Ça a gagné beaucoup de prix. Et c'est coproduit avec Toxa, qui est Urbania, puis en association avec Arte, Le Monde, Radio-Canada, le Globe and Mail et le quotidien allemand Süddeutsche. Alors, on parle ici de tous des nobody des médias. Hein, comme ben oui, c'est ça, voir. Globe and Mail, c'est qui ça? Non, mais je me demandais d'ailleurs, pourquoi l'Allemagne? Est-ce qu'il y a un lien en particulier? Français-anglais, je comprends. L'Allemagne? Bien, visiblement, c'est un jeu international. Ça va être disponible un peu partout. Le jeu a été présenté hier dans le cadre des RDM à Montréal. Il va être présenté à Amsterdam lundi prochain, en même temps qu'il va être lancé en ligne. Alors, c'est quand même un gros coup que l'ONF fait. Ben oui, donc Fort McMurray. Disponible dès lundi pour navigateur et pour iPad au fortmcmurray.com. Et là, à l'approche de Noël, la prochaine initiative risque d'attirer l'attention des gens qui magasinent sur le web, et j'en suis. C'est une PME québécoise qui vient de lancer un outil là, qui facilite les recherches de produits sur le web, et la PME s'appelle Azimov. Ouais, exactement. Ben, je sais pas si toi, tu détestes magasiner en général. Moi, je déteste magasiner en général, mais je déteste en plus magasiner en ligne. Donc, n'importe quoi qui va me donner un coup de main à faire mes achats de Noël, je vais être vraiment content. Parce que, on le sait, c'est difficile de se procurer c'est facile de magasiner en ligne, mais il y a des trucs qui sont pas disponibles pour tout le monde. Comme par exemple, si tu veux acheter un certain modèle de vêtements d'une certaine marque, mais tu peux chercher longtemps si tu fais une recherche, s'il n'est pas disponible, par exemple, sur le site web du manufacturier, ou même, je veux dire, si tu veux écrémer la page Google avec les premiers résultats, tu peux en avoir pour des heures et des heures à chercher le meilleur prix pour et même la disponibilité de cet article-là. Donc, c'est pour cette raison que l'entreprise entreprise montréalaise, comme tu disais, qui s'appelle Asimov, a créé un moteur de recherche d'achat en ligne qui nous aide à obtenir le bon produit au bon prix sans qu'on ait à magasiner justement durant des heures en ligne ou physiquement. Donc, c'est en quelque sorte, c'est un catalogue de différents produits disponibles qui sont des vêtements au vin, il y a de l'électronique, des meubles, des électroménagers. Et ce moteur de recherche-là, il répertorie les produits disponibles, les caractéristiques et les prix. Tu vas me dire que ça existe déjà avec Google Shopping, par exemple. Mm-hmm. Et c'est vrai, mais là où se démarque Asimov, c'est qu'au lieu de se rendre directement sur le site d'un marchand à partir d'un résultat de recherche, l'internaute peut lancer un appel d'offres sur le site en demandant de recevoir des soumissions de détaillants qui sont inscrits sur le site. Si un produit a offert... Okay, c'est du sur-mesure, là. Donc, tu peux dire, bon, moi, cette paire de jeans-là, je la veux et je vais approcher telle entreprise... Tu me fais quel prix? Oui, absolument. Mais en plus, c'est qu'un détaillant qui n'est pas inscrit pourrait dire « Moi, j'ai ce produit-là. Moi, je veux l'offrir à l'internaute. Malheureusement, je suis pas inscrit sur le site. » Donc, pour le détaillant, il peut acheter le droit de faire une soumission à cet internaute-là. Donc, c'est vraiment du win-win de chaque côté, autant pour l'internaute que pour le détaillant. Donc, c'est vraiment c'est une nouvelle façon de magasiner. C'est une façon pour... De bargainer. Oui, ben c'est ça. Ouais. C'est vraiment un bargain, autant pour le client, le consommateur, que c'est aussi un bargain pour le détaillant. C'est à lui d'offrir le meilleur prix. Donc, est-ce qu'on offre le meilleur prix qu'on peut trouver sur le web? Je suis pas certain. Mais par contre, on est certain d'obtenir un bon prix parce que c'est à l'avantage du détaillant d'offrir le meilleur prix à l'internaute s'il veut avoir cet achat-là. Mais là, est-ce qu'il y a beaucoup de produits disponibles ou c'est... Il y a des milliers de produits disponibles. C'est vraiment de tout genre. Tu peux acheter des bouteilles de vin, tu peux acheter des meubles, des jeans, tu peux acheter des souliers. Moi, j'ai fait une recherche pour des Converse. Il y a des Converse. Les prix que ça me donnait, c'était un petit peu moins cher que sur le site de Converse. Donc, à la limite, c'est quand même abordable. Mais un petit truc que je vais vous donner en terminant, c'est si vous aimez magasiner puis vous aimez vous déplacer, pour faire, il y a un comparateur de prix qui est disponible en ligne qui s'appelle shopbot.ca, qui fait aussi ça, qui fait aussi ça, comparer les prix entre les différents détaillants. Donc, si vous aimez vous déplacer, allez faire un tour sur le shopbot.ca. Et si vous aimez pas vous déplacer, allez faire un tour sur asimov.com. Merci beaucoup, Patrick, de nous aider pour notre magasinage de Noël. Hey.